Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, le management et plus précisément, comment gérer le changement dans un environnement de plus en plus turbulent. Une émission co-animée, bien sûr, avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Eh bien, bienvenue donc pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors, crise sanitaire, conflit russo-ukrainien, envolée du prix des matières premières, difficultés du recrutement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont soumis à de fortes turbulences et doivent adapter leur management. Alors, décryptage de cette évolution au cours de cette émission de l'Instant Éco, où nous allons accueillir un chef d'entreprise, Alain Maupetit, qui est directeur de la société Nouveau Doc, qui regroupe 8 agences, dont le siège est à Chavelot, dans les Vosges. Alors, on va tenter d'être le plus clair possible, Francine, lorsqu'on parle de management. Que faut-il entendre ? Eh bien, Jérôme, le management, c'est la mobilisation des différentes ressources d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Alors, par ressources, il faut entendre certes les ressources financières, mais aussi les ressources techniques, les ressources humaines. Et si une entreprise privée doit évidemment avoir un objectif économique qui consiste à faire du profit pour assurer sa pérennité, de plus en plus d'entreprises élargissent leurs objectifs en fixant des objectifs sociaux visant le bien-être de ses salariés, mais aussi des objectifs environnementaux afin de préserver les ressources de la planète. Alors merci Francine pour ces précisions que nous allons donc détailler davantage avec notre invité Alain Maupetit, donc directeur de la société donc Nouveau Doc. Bonjour monsieur Alain Maupetit. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation car votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre comment un chef d'entreprise doit manager dans le contexte actuel d'incertitude. Alors monsieur Maupetit, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter en quelques mots votre société ? Alors la société Nouveau Doc, c'est un négoce de matériaux de construction qui a été créé en 1890. Mais il porte le nom de Nouveau Doc depuis 1937, ça fait 85 ans. Alors aujourd'hui, on a 8 agences qui sont réparties dans les Vosges. On en a au Thiot, Gérardmer, Saint-Nabord, Chavelot, Houécourt, Vittel. Et on a 2 autres agences qui sont situées également en Lorraine, une dans la Meuse et une à Commercy, et une autre en Haute-Marne. Là, c'est plus la Lorraine, à Le Houécourt. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Comafranc. Depuis 1981, c'est un groupe issu du territoire de Belfort qui comprend plusieurs sociétés qui portent le même nom que moi, les matériaux. 6 en l'occurrence dans le Grand Est et ça fait à peu près 1500 personnes qui travaillent au sein de ce groupe. Très bien, alors nous allons essayer de reprendre donc le fil des événements de ces 2 dernières années, à commencer par la crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a une volonté de retrouver donc une situation économique normale, mais force est de constater que cette crise sanitaire a eu un impact sur l'organisation de bon nombre d'entreprises. Alors monsieur Maupetit, dans quel état d'esprit se trouvent vos salariés ? Eh bien, le Covid ne nous a pas tout à fait touchés économiquement, parce qu'on est un commerce qui était dit un commerce de proximité. Donc on a continué à travailler pendant tout cet épisode sanitaire. En revanche, ce que l'on a constaté, c'est que le travail dans cette période était anxiogène. On a découvert aussi quelque chose, le télétravail. C'était quelque chose de tout à fait inédit, ça. Et l'état global, en fait, des choses, ben, c'était un contexte sanitaire quand même très inédit et très anxiogène. Et au-delà de l'état d'esprit de vos salariés, rencontrez-vous des difficultés pour recruter ? Les difficultés d'embauche sont antérieures, en fait, au Covid. Cette crise sanitaire n'a été que l'accélération de ça. La valeur travail n'a plus la même place dans les valeurs collectives. Ça, c'est un constat qu'on a fait. C'est un tournant qui s'est accéléré avec le Covid. Certains employés ont même carrément changé d'orientation. Hein, on l'a dans nos métiers, mais dans plein d'autres métiers comme ça. Et concernant ce recrutement, est-ce que les exigences des candidats à l'embauche ont évolué par rapport aux années précédentes ? Complètement. Les valeurs ont complètement changé. Dans ce qu'on le constate maintenant, dans ce que veulent les gens, déjà, ils regardent le temps de travail. Ils regardent ensuite le confort qu'ils ont au travail. Ensuite, il y a un autre thème qui passe encore avant le salaire. C'est la valeur qu'a l'entreprise au niveau environnemental. Puis seulement le salaire arrive en quatrième position. Bon, je tiens ça d'un sondage qui a été fait un peu de manière nationale. Avant, quand on cherchait un emploi, on allait voir le patron concerné et puis on a essayé de lui vendre sa peau quelque part. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut qu'on vende le job à celui qui le cherche. Alors donc, que proposez-vous pour attirer les personnes dans votre société ? Ben, on essaye d'être de plus en plus sexy, je vais dire. On est à l'écoute de leurs priorités. On est attentif aussi aux méthodes de communication qu'il faut avoir vers eux. Il faut savoir les accueillir quand ils arrivent dans l'entreprise. Il faut vraiment savoir s'adapter à eux plus qu'eux s'adapter à nous. Et je crois que vous avez une volonté de favoriser, je crois, les contrats d'apprentissage hein, pour favoriser donc l'insertion dans votre entreprise. Oui, c'est complètement essentiel. On va chercher les jeunes maintenant via l'alternance post-bac, c'est-à-dire ce qui correspond à un niveau BTS. Où je vais même les chercher un petit peu avant, au niveau de la terminale, juste avant qu'ils passent le bac, parce que l'apprentissage permet de les récupérer à cet endroit-là et on peut leur donner ces valeurs avant qu'ils passent le bac. Au cours de l'année 2021, on a embauché une douzaine de personnes via l'alternance ou l'apprentissage. Parmi celles-ci, deux sont actuellement en CDI dans l'entreprise, et puis les autres, petit à petit, risquent de quitter l'entreprise. On n'a pas réussi à trouver une motivation chez eux ou chez nous pour pouvoir les garder. Alors, de plus en plus d'entreprises ont décidé de s'inspirer du concept de l'entreprise libérée qui consiste à réduire le lien hiérarchique et à faire sienne la devise « la confiance plutôt que le contrôle ». Est-ce que vous êtes sensible à cette philosophie et qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'une telle gestion des ressources humaines serait envisageable dans votre société ? On n'a pas trop le choix, sinon il ne reste pas. Les choses, elles évoluent très vite ces dernières années. Les méthodes de management aussi. Et on doit s'adapter pour continuer d'exister. On n'a pas le choix. Ouais, notre outil de contrôle, il est très spécial chez nous, c'est le client. Parce que c'est lui qui a une exigence, c'est lui qui téléphone, c'est lui qui vient de voir, c'est lui qui exige la rapidité, c'est lui qui exige de plein de choses pour que le temps de travail puisse être cadencé. Et puis si ça déborde du cadre légal des 35 heures, on trouve des solutions pour récupérer, tout simplement. Très bien, monsieur Maupetit. Alors après la première pause musicale, on continuera à dialoguer avec vous hein, pour parler de management toujours de votre organisation et nous expliquer comment votre société aborde donc le contexte de pénurie de la plupart donc, des matières premières. Mais pour l'instant, on va passer à la première pause musicale. Alors Francine, qu'allons-nous écouter ? Alors, on va écouter la voix divine d'Alicia Keys dans Empire State of Mind. Eh bien, écoutons tout de suite Alicia Keys. As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. Monkeys found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel. Just pray to God. Put your lighters in the air, everybody say yeah. C'était donc Alicia Keys dans, avec Empire State of Mind. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'Instant Écho et nous accueillons donc Alain Maupetit, directeur du magasin Les Nouveaux Docs à Épinal dans les Vosges. Alors dans la première partie de l'émission, on a abordé la gestion des ressources humaines dans un contexte de nouvelles attentes des salariés. Alors avant d'aborder un nouveau thème, je voulais savoir, Monsieur Maupetit, comment vous gérez dans votre société les différentes générations de personnel entre ceux de la génération X qui ont 50 ans et ceux de la génération Y voire Z qui ont un rapport à l'autorité tout autre et qui ont beaucoup plus d'aspirations vis-à-vis de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais effectivement, c'est de l'équilibre. Je dirais presque que pour le manager, c'est presque un numéro d'équilibriste. Il faut savoir séduire les jeunes. Il faut savoir garder les autres. Et faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens. Et ça, c'est pas simple. Les plus anciens ont des repères qui ont explosé. Les jeunes ont des valeurs qui sont précises et ils ne veulent pas en démordre. Donc c'est assez perturbant pour les anciens, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde en fait. Ça permet d'avancer. Alors on va essayer maintenant de comprendre comment votre société qui est spécialisée dans la fourniture de matériaux de construction aux artisans gère cette pénurie de matières premières qui avait déjà commencé avant la crise ukrainienne et qui n'a fait que s'aggraver ces dernières semaines. Alors monsieur Alain Maupetit, cette pénurie de matières premières, est-ce bien une réalité ? Ah, complètement, oui, hélas. Cette pénurie, elle est d'abord engendrée par une énergie qui coûte de plus en plus cher parce que certaines usines consomment beaucoup, beaucoup d'énergie pour fabriquer ce qu'ils ont à fabriquer. Mais on est dans un marché global qui est post-Covid et qui est très dynamique parce que pendant le Covid, on a fait moins de choses et on a eu besoin de rattraper tout ce qu'on n'a pas fait. Donc c'est extrêmement dynamique dans le secteur du bâtiment. Et il y a un petit truc en plus, mais on pourra revenir à ce truc-là, c'est la réglementation thermique qui bouge aussi un petit peu, qui engendre des choses un petit peu particulières. Bon, enfin, cette pénurie, elle amène des choses, enfin des problèmes sur beaucoup, beaucoup de matières, les matières premières essentielles, essentiellement sur la ferraille. Je crois que dans notre métier, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Il faut essayer de faire des sourcings différents. Et c'est pas simple, parce que cette fameuse ferraille, c'est un marché qui est détenu par peu de personnes sur le plan mondial. Donc l'organisation de cette super industrie détenue par ArcelorMittal, elle est perturbée par le conflit actuel. Et puis j'ai peur qu'on en subisse les conséquences malheureusement dans les semaines à venir. Ça va devenir un gros problème cette histoire-là. Alors comment gérez-vous les relations avec vos clients dans ce contexte ? On les accompagne le mieux qu'on peut. On a généré beaucoup de stocks. Tout ce qu'on pouvait mettre en stock, on l'a mis en stock, ce qui permet de les soulager un tout petit peu. Mais certains sont un petit peu perdus dans ce truc-là, dans ce marché-là. Si on regarde 2021, ils ont tous travaillé énormément. Et quand ils lisent leur bilan et leurs résultats, ils sont souvent très déçus. Alors, ça va même jusqu'à pouvoir engendrer la pérennité de leur entreprise. Ils n'ont pas su adapter leur marché au prix qui était devenu ce qu'ils trouvaient sur ce marché pour leurs clients. Ils ont pensé prendre une partie de ces augmentations à leur compte et finalement, leurs résultats en pâtissent beaucoup. Et est-ce que vous essayez désormais de diversifier davantage vos fournisseurs pour éviter tout risque de pénurie ? On essaye, mais ce n'est pas toujours possible, pour diverses raisons. Déjà, on a une certaine fidélité à nos marques. nos entreprises et nos clients viennent chez nous pour ces marques-là. Donc, on ne peut pas en changer comme on voudrait ou comme on pourrait. Ensuite, on a un partenariat, tant avec le fabricant qu'avec nos entreprises, autour de certains types de produits, notamment, encore une fois, de certaines marques. Puis, il y a la qualité. On a choisi certains produits par la qualité qu'ils représentaient et dont on a besoin pour continuer à vendre des produits qui sont conformes à ce que nos clients attendent. Mais il y a aussi, je parlais tout à l'heure de métal, l'Ouest européen est condamné par le conflit ukraino-russe parce que l'essentiel de la production du métal destiné à l'Ouest européen est fait dans cette région-là. Alors, comme ils sont en conflit aujourd'hui, c'est très compliqué au niveau du sourcing. Mittal a décidé d'approvisionner l'Europe d'une autre façon, mais on augmente la distance des sites de production qui peuvent être en Inde, en Grèce, je ne sais où, moi. Mais ça engendre aussi des possibilités de production de ces nouvelles usines pour alimenter l'Ouest européen qui ne sont pas en capacité de pouvoir toujours le faire. Donc, de fait, la source se tarit. Alors, on a abordé, M. Maupetit, dans cette émission, le management social et économique. Alors, reste à évoquer donc le management environnemental. Comment donc intégrez-vous cette dimension dans votre société ? Notre évolution dans ce domaine, il est difficile, mais il est indispensable. Certains artisans, d'ailleurs, ont avancé un petit peu plus vite que d'autres sur ce sujet. Ils consomment des matériaux un petit peu plus biosourcés, je vais dire. Mais chaque fois qu'on peut, on les accompagne sur ce sujet. En tant que négociant, maintenant, on est aussi contraint de devoir s'inscrire dans ce monde-là. On doit faire partie de l'économie circulaire. Notre obligation, c'est d'aller dans une loi qui s'appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur, et on doit, avec cette loi, récupérer les déchets du bâtiment pour les envoyer sur des usines de recyclage. Donc, environnementalement parlant, on arrive peut-être à s'inscrire dans quelque chose. Alors, est-ce que cette dimension est davantage perçue comme une opportunité ou comme une contrainte ? Car vous êtes confronté à une concurrence qui n'intègre pas toujours cette dimension. Je dirais que l'intégration est réussie quand la contrainte devient une opportunité. En fait, toutes les enseignes n'en sont pas au même point sur le sujet. Donc, il faut véritablement avancer et il faut continuer à aller dans cette direction. C'est indispensable. Ben, Monsieur Maupetit, on vous retrouve donc dans quelques instants après notre deuxième coup de cœur musical où on reparlera à nouveau de ce management environnemental au niveau des matériaux proposés à votre clientèle. Mais pour l'instant, on va retrouver donc une deuxième chanson. On va retrouver Sia avec la chanson Titanium. We'll be right back. Voilà, c'était une très belle collaboration avec David Guetta et Sia. C'était la chanson donc Titanium. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Voilà, nous sommes donc bien sur l'Instant Éco. C'est bien sûr donc l'émission Rendez-vous économique au sein de Radio Fadjet. Et nous parlons effectivement donc avec monsieur Alain Maupetit de réglementation donc environnementale. Et justement, donc depuis quelques mois, donc la réglementation environnementale 2020 est entrée en vigueur. Alors que pensez-vous de cette nouvelle réglementation ? Ben, elle bouscule le monde constructif. Mais la crise sanitaire et géopolitique fait que ça tombe vraiment au pire des moments que ça devait tomber. C'est malheureusement comme ça, mais on ne pouvait pas imaginer pire comme scénario. Alors, travaillez-vous avec les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles ? Car pour ces sociétés, cette nouvelle réglementation implique le recours à certains types de matériaux. Oui, mais pas seulement. Le principe, si on le simplifie au niveau de l'ARE 2020, c'est de limiter l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'il faut réduire la consommation d'énergie. Il faut retirer de l'énergie fossile pour essayer d'aller vers des énergies renouvelables. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième, c'est réduire l'impact carbone. Il faut choisir des matériaux locaux et biosourcés. Du bois, par exemple. Ça peut être une solution. Mais pas que, hein. Je cite juste un exemple. Troisième thème de cette RE 2020, c'est le confort d'été. En clair, l'isolation. Il faut isoler au mieux qu'on peut pour sauvegarder la fraîcheur de nos maisons en été. La mise en place est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Ce qui fait que ça a eu un effet pervers sur l'explosion des permis de construire avant cette date. L'année dernière, fin 2021, il y a eu énormément de permis de construire de déposer sur des maisons qui sont à construire à cette heure-ci, avec tout ce que ça implique, non pas sur la montée des prix due à la réglementation économique, mais avec la crise mondiale et le conflit qui a lieu en ce moment. Eh bien, merci monsieur Alain Maupetit donc pour toutes ces précisions. Hein, donc, on a parlé pendant près d'une demi-heure donc de management donc de votre société. Alors, rappelez-nous en quelques mots votre localisation. Alors, on est sur 6 dépôts dans les Vosges. Hein, je rappelle Le Tillot, Gérardmer, Saint-Nabor, Ouécourt, Vittel, Chavlot, un dépôt dans la Meuse à Commercy et un petit dépôt en Haute-Marne. À Levécourt. Eh bien, merci monsieur donc Alain Maupetit d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et en espérant donc avoir pu et donc éclairer au mieux les auditeurs sous cette nouvelle forme donc effectivement de cette société donc et de son impact effectivement donc au niveau du management d'une organisation, eh bien n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez aborder dans cette émission. Eh bien, Francine, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission d'Instant Éco. Mais oui, Jérôme, le mois prochain. Eh bien, le mois prochain ou même peut-être plus tôt cette fois-ci, car on a tellement d'invités qu'on va peut-être se retrouver plus souvent. Très bien, eh bien rendez-vous donc très prochainement. N'oubliez pas d'ici là de rester fidèle à Radio Fadjet.